la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Ainsi que la réalisation d'un réseau de l'Union pour faciliter les trafics.